dans Badakani de mieux connaître le personnage qui est en face de nous aujourd'hui. Mon ami Nestor. Nestor a volé une partie de mes biscuits. Quand tout à l'heure je vous ai dit que j'ai des dossiers, c'était ça en partie. Mais il y a d'autres, mon cher Nestor, rassure-toi. On ne sortons pas tout. Parce que nous, on l'aura à l'œil. On l'aura à l'œil. Il s'amuse, nous, on va le liquider. Non, non, on ne s'amuse pas. Là, on est arrivé avec l'enjeu de l'Afrique, on ne blague pas. Et les faux serviteurs de Dieu comme ça, là, ils vont comprendre que le vrai Dieu n'a jamais été avec eux. Moi, je parle du vrai Dieu. Je ne sais pas pour rien qu'il dit vrai Dieu. Je distingue, comme je parle du vrai Dieu, je parle du Dieu que moi, je sers. Je ne parle pas des dieux confessionnels là, qui sont là. Et moi, je les mets, je dis que même les traditions sont dedans. Les chefs traditionnels africains, là, vos traditions là, sont interpellés par ce qu'on vit. Ils disent, elles disent quoi? Ils sont dedans silencieux. Pendant que les Américains sont en train de défier le continent africain, des chefs africains sont à Paris, en train de jouer au top model, à Paris. Festival de Cannes. Ils sont à Paris. Donc, des gens comme ça, moi je fais toujours la part, je répète, entre la foi des hommes simples et les institutions qui veulent coiffer la foi des gens. Ça permet de faire une véritable pédagogie et d'amener les gens progressivement, comme mon frère a dit, avec beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence. Il vient de dire que ceux qui pratiquent ce que les gens appellent religion importée, parce que je ne sais pas, ce que les gens appellent religion importée, qu'ils le fassent avec sa sagesse. Je voudrais rappeler, Cheikh Anta Diop est petit-fils de Mourid. Il est musulman. Il a épousé une russe. Ça n'a pas empêché qu'il nous donne le meilleur que l'Afrique ait reçu depuis des siècles, Cheikh Anta Diop. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Moi, je ne suis pas là pour purger les gens de leur foi. Ce n'est pas mon rôle. Ça ne m'intéresse pas. Pour nous, c'est personnel. Même si nous connaissons les incidences communautaires de la foi, mais l'intelligence, comment actuellement, on considère que c'est personnel. C'est le conseil que Château de nous a donné et il a raison. Donc nous allons pas à pas pour coincer. Il faut que des bandits qui se déguisent derrière la foi soient exposés comme ça. Qu'est-ce qu'ils sont exposés? Le monde, les gens voient. Leurs fidèles voient. Moi, je voulais rappeler que ce monsieur-là, cet imposteur, parce que maintenant, on va le dire, cet imposteur-là, Amadou Diko, au plus fort de son magistère, c'est autre 100 000 personnes qu'il a mis dans la rue. Vous comprenez? Mais les militaires ont mis plus de 2 millions dans la rue. Dans tout le pays. Et ils ont rallié le continent africain, la diaspora africaine, tout le monde entier. La diaspora. Mais par rapport à ça, je ne sais pas pourquoi j'ai dit, il a bien fait. Il ne faut pas descendre au niveau de cet imposteur. Mais comme Bertrand a dit, s'il menace l'ordre public, il veut renverser l'État, l'État va s'occuper de lui. C'est un imposteur. Donc, on vous a tout dit qui il est, son parcours. Il a combattu Moussa Traoré après avoir servi Moussa Traoré. Il n'est pas obligé. C'est un serviteur de Moussa Traoré. Il était sous Moussa Traoré. Il occupait des fonctions. Il était secrétaire général de l'Association malienne de l'unité et du progrès de l'islam, qui était la couronne de transmission du parti unique de l'ancien dictateur Moussa Traoré et l'islam. Lui, quand tu donnes l'argent, il est avec toi. Dès que tu prends le pouvoir, il n'est plus avec toi. Mais tu es chanteur. Et il effraie les gens avec ces habits bizarres, les machins. Ils disent qu'ils prient Allah. Il y a plusieurs. Mais le vrai Allah, nous on le connaît. Hein. Le vrai Allah, c'est un. Le Dieu unique. Il s'appelle Allah. Chez les vrais musulmans, on l'appelle Dieu. Tout ça. Il y a un Dieu, il n'y a pas deux. Hein. Mais le Allah qui vient des Wahhabites, là. Vraiment, il faut que les gens soient un peu sérieux. Il faut un peu sérieux. Vraiment. C'est-à-dire que le wahhabisme, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Par respect pour la foi, les gens, on ne dit pas tout ici. Mais il faut qu'on soit sérieux. Tu veux faire un débat? Tu viens parler ici du wahhabisme? Tu n'as que référence morale. Donc, toutes ces religions-là, on va les mettre à leur place. Mais il faut le faire intelligemment. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Le bon côté peut servir à construire le continent africain. Et ça, c'est pour les gens intelligents. Il faut savoir articuler tout ça. Alors, ce monsieur, il est le médiateur préféré de qui? De l'ONU, la CEDEAO. et évidemment la France. Alors moi, je vous dis ce qu'il y a derrière cette médiation. Quelle est la stratégie française à l'heure actuelle? Quelle est la stratégie de l'Occident face au Mali? Les Occidentaux ont constaté une chose, qu'il est tue, l'unité, la fusion entre l'État malien et le peuple. Quand cette conjoncture est réalisée, quelle est cette conjonction politique, mon cher Belek, cher René, l'Occident est à terre. La réflexion centrale actuelle de la géopolitique occidentale, c'est-à-dire des États-Unis, la France vient après parce que la venue du secrétaire général ici au Niger, j'ai dit ça ici sur ce plateau, signifiait le déclassement de la France. Son rôle de gendarmerie est terminé. Les Américains estiment que c'est terminé pour toi et j'avais déjà fait des confidences à Bertrand, si tu te rappelles. En privé, je t'ai dit des choses concernant le projet américain contre la France, je te l'ai dit. Nous, on le sait, mais bon, tant pis. Nous, on n'est pas là pour faire le duel de la France, on s'en fout, tant mieux. Les Américains estiment que ton rôle de gendarme est terminé. Nous, on vient devant maintenant. Et ils annoncent la couleur avec la loi la plus scélérate de l'histoire de l'humanité depuis les Savoies jusqu'à présent. La loi la plus scélérate. Décider à notre place avec qui on va traiter et nous menacer de sanctions, pour faire de l'aide. Nous sommes en guerre contre les États-Unis. À l'heure actuelle. Et aucun Africain ne peut dire qu'il va se dérober. Hein. Il n'y a pas moyen. On ne peut pas justifier ça par là. Dire que non, il y a les dictateurs. C'est fini. Pas moyen. On ne peut se cacher. Nous sommes en guerre contre les États-Unis. Et moi, j'appelle tous les Africains de la diaspora partout où ils se trouvent à se mettre sur le pied de guerre contre les États-Unis. Tant que ne retirez pas cette loi, nous sommes en guerre contre les dirigeants américains, contre les États-Unis. Et si nous avons un Dieu, si les gens la servent de Dieu, là, le Allah et consort, c'est maintenant qu'on veut voir la puissance de votre Dieu face à l'État voyou qu'on appelle américain, USA, dirigé par un sénile, Joe Biden, une pourriture. Mais on est où là? Mais n'importe qui parle comme ça en Afrique. Joe Biden parle comme ça aux Africains. Joe Biden. Les États-Unis, c'est quel pays ça? Ils ont quel âge? Parler comme ça au continent qui a accouché l'humanité, pour sa belette. Plus de 100 000 ans, l'homme a vécu en Afrique sans sortir pour devenir être humain. L'Amérique a quel âge? Pourquoi on laisse un petit pays comme ça, dirigé par un sénile, nous narguer en plein jour? Nous sommes en guerre contre les Américains. Maintenant, l'ennemi, ce sont les États-Unis. On est en guerre contre l'Amérique, maintenant. Et nous, on est devant. Tous les serviteurs de Dieu, soi-disant là, c'est maintenant qu'on va voir votre Dieu. C'est maintenant qu'on va sentir la valeur de vos dieux là. L'esclavage a commencé comme ça. L'esclavage, c'était comme ça. La colonisation, comme ça. Quelqu'un a essayé. Avec les forces blanches quelque part, on a laissé faire. Le doyen Gbagbo l'a dit. Que quand on tue une tribu ici, l'autre tribu priait son Dieu, dit que non, c'est pas encore arrivé chez moi. Deux jours après, on prenait la tribu là. L'autre tribu disait non. Mon ancêtre ne sait pas quoi parler. Il m'a dit que vraiment, rien ne va t'arriver. Trois jours après, on prenait. Mais il faut arrêter ça. C'est la maladie ou quoi? C'est une malédiction? Nous sommes en guerre contre les Américains. Les Américains ont déclaré la guerre au panafricanisme. Nous allons mettre l'Amérique à terre. Maintenant, il est déjà à terre. On va couper sa tête. Moi, je m'appuie sur mon vrai Dieu. Mon vrai Dieu. Je parle comme ça. Je compte sur lui. Hein. Que Mahmoud Diko sorte son halala. Pour parler aux Américains. Que les pasteurs, les imams, les chefs traditionnels sortent maintenant. Sortez les gris-gris. Tout ça, c'est maintenant. On a besoin de ça maintenant. Parce que les Américains ont franchi la ligne rouge. Ils ont franchi la ligne rouge. Vous comprenez? Alors, ils veulent nous distraire avec un imposteur comme ça. Ils veulent nous distraire. Le voie de base, c'est ça. Le voie de base, le voilà. Ils mettent sur le même pied d'égalité le régime, l'État malien et la communauté internationale. C'est possible, ça? Ça, c'est quel Dieu, ça, même? Ça, c'est quel Dieu, ça? Mais ça, c'est Allah des Saoudiens. Le vrai Allah ne peut pas faire ça. Comment tu mets la communauté internationale et le pouvoir, l'État malien, c'est même plus l'égalité. Parce qu'il se voit un médiateur. Toujours le rôle de médiateur. Il est médiateur de quoi? Qui est médiateur entre Satan et Dieu? Vous avez vu ça où? Allez me lire tous les livres saints là. Prenez-moi tous les livres saints, le Coran, machin, les Védas indiens, tout ça. Montrez-moi l'endroit où il y a une médiation entre Dieu et Satan. Vous avez vu ça où? Mais lui, il veut faire ça. Il veut faire la médiation. Tous les hommes de Dieu, écoutez-moi bien, hein. Tous les hommes de Dieu sur cette terre, écoutez-moi bien, aucun homme de Dieu sur cette terre ne peut être avec l'Occident. Je répète, aucun homme de Dieu sur cette terre, quel que soit le Dieu auquel vous croyez, le vrai Dieu, aucun homme de Dieu, le Dieu unique là, ne peut être avec l'Occident. Pour quelle raison? Hein? Pour quelle raison? Mais le diable, c'est l'Occident. Pour quelle raison, comment? Là, c'est compliqué à voir. L'Occident est la manifestation suprême du diable. Mais écoutez, hein, prenez toutes les traditions. Prenez toutes les cosmogonies. Nous, on essaie de lire. Hein. Allez les lire. Et vous allez voir si les traits du diable ne sont pas caractérisés par l'Occident. Allez voir. Je dis, allez voir. Donc, ce Mahmoud Diko, là, il parle de quel Allah? Il parle de quel Coran? C'est un wahhabite. Et là, bon, il joue, il dit que non. Pas, Bertrand l'a dit, qu'il n'est pas wahhabite à 100%. Que non. Avant l'islam, il y avait les traditions pré-islamiques. Il mélangeait les deux. N'importe quoi. N'importe quoi. Qu'il a dit ça aux enfants. C'est un wahhabite. Voilà pourquoi les patrons des réseaux wahhabites, ceux qui ont fabriqué l'Arabie Saoudite, les Anglais, ils ne le savent pas, moi je le dis, les Anglais, qui ont fabriqué la dynastie saoudite là, pour les besoins de la cause, ils ne peuvent pas les affronter. Ils sont ceux qui sont contre le Mali aujourd'hui. Donc, l'enjeu de la médiation est celle-ci. Mes chers amis, oui, monsieur Ndom, c'est vous le patron ici. Il faut détruire l'unité stratégique qui lie l'armée et son peuple. C'est ça l'enjeu. Et le pion s'appelle Mahmoud Diko. Parce qu'on prépare le terrain, hein? Il est arrogant. Ça veut dire que si on va encore faire une médiation, Assimi Goïta, au nom des intérêts du Mali, dit non, il va sortir. Je vous avais dit, c'est un arrogant, c'est lui le problème. Et à partir de là, le totem de la division va s'installer. C'est ce qu'ils veulent, pour justifier les actions qu'ils veulent entreprendre contre le Mali. Parce que maintenant, ils ne sont plus à réfléchir. Ils sont à... On le tue quand? On entre en guerre quand contre le Mali? Voilà la question. Mais il faut, pour ça, il faut créer une faille dans l'unité. Il faut créer une faille. Et ce petit imposteur, c'est lui le cheval de Troie. C'est lui le cheval de Troie, cette affaire. Et moi, je vais vous dire, hein, vous êtes choqué. Moi, je n'ai pas les preuves, hein, mais là, c'est l'intuition maintenant qui parle. Je dis qu'il y a un lien entre le coup d'État qui vient d'avoir lieu au Mali et ce monsieur. Je répète, il n'y a pas de preuves, je n'ai pas de preuves. Mais ça, c'est mon intuition géopolitique. Et à ce niveau-là, je me trompe rarement. Je dis qu'il y a un lien. Il y a un lien. Si vous allez fouiller, vous allez voir que dans le paquet de coups d'État, cette séquence ici était prévue. Ça, je suis, on continue quand même. On continue quand même. C'est cela qu'il s'agit. On doit faire attention. Les négociations, Assimi Goïta a dit depuis longtemps qu'il était prêt à négocier. Le pouvoir malien a dit nous voulons négocier. Ils ont créé un cadre pour ça qui est dirigé par le ministre des Affaires étrangères. C'est comme là. Ça a été rendu public. Il y a un consortium, je crois, de peut-être 5 ou 3, 4 ministres. Mes amis la connaissent mieux que moi qui sont en face. Mais je ne suis pas loin de la vérité pour dire que nous sommes prêts à négocier. Dès les sanctions, ça a été fait. Ça a été fait. Je pense que M. Faure Yadema, c'est dans ça qu'il est en train d'inscrire sa médiation. Bon, on sait ce que je pense de Faure. Mais à partir du moment où les autorités maliennes dites à quelqu'un fait le travail, nous, on est derrière. On observe. Donc, pour chuter. Ouais. Personne ne vient nous accuser d'être arrogant, d'être insolent envers les soi-disant autorités religieuses. Mais ce monsieur Bertrand l'a dit, c'est un homme politique. Il doit clarifier. D'ailleurs, il a un parti, Bertrand. Il a un parti. Voilà, il faut dire ça. Voilà son parti. C'est un parti politique, il faut le dire. Mais il est jaloux de Assimi Goïta. Alors, c'est la jalousie, il veut sa place. Il est jaloux, il veut la place d'Assimi Goïta. Il n'a pas le courage de dire qu'il veut le pouvoir, il veut être là. Il est parti. Alors, les choses doivent être claires. On a affaire à l'homme de Allah, on a affaire à un leader politique. Est-ce que c'est parti présent? On est clair qu'on a affaire à un homme politique avec tout ce que il faudrait donc le traiter comme tel. Tout à fait. Afrique Média. Le monde, c'est nous.